Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Biguinage. Liberté numérique. Société de l'information. Azonge sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Random. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, ni nous l'enlève, notre libre et ouvert. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir et bienvenue, c'est Random 35, il est 19h maintenant, vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM, et c'est Random, comme je viens de le dire. Donc aujourd'hui nous sommes deux, bonsoir Charles. Bonsoir. Et Mad Martigan. À la technique. Donc les actualités locales, donc on parlera de la fête de l'animation. Avec notamment le concert Chiptunes qui aura lieu donc, normalement la semaine prochaine, dont on reparlera dans l'agenda. Actualité du milieu hacker, on parlera de l'Akito Ergosum. Avec un concours CrackMe où il faut donc casser un binaire, en fait trouver la clé qui permet de déverrouiller le binaire. Censure, filtrage internet et neutralité des réseaux. On verra la publication du décret de la LCEN sur les logs qu'on doit sauvegarder des serveurs web. On verra donc aussi un petit truc sur la trompette de Winsock. Sinon donc au niveau de N'ayez pas peur, faites-nous confiance, on parlera du kill switch libyen. On reviendra sur Wikileaks avec Bradley Manning et le porte-parole islandais de Wikileaks. On parlera peut-être un peu du complément d'enquête sur France 2 et des caricatures qui ont été diffusées. Et pendant qu'on est dans les caricatures, on continuera sur Le Monde avec pareil un article assez caricatural. Donc voilà, on parlera de Radio France aussi et de ses soucis techniques qui ont occasionné 30 minutes de coupure. Voilà. Mais je pense que maintenant on peut peut-être se passer une petite musique avant de revenir aux actualités. Alors ça va être super tendu. Donc pour commencer les actualités, donc les actualités locales. Ça consiste essentiellement donc au concert donc de Chiptunes avec des groupes du label Da Earth Hit Record qu'on avait passé donc dans l'émission. Donc voilà. Alors. Voilà, il y a la musique qui est en train d'arriver. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est un mix de Orion, la musique qu'on retrouve dans les cracks de certains logiciels privateurs. Tout de suite. We'll be right back. Voilà, c'était un petit mix de Orion, donc des musiques qu'on entendait dans les cracks de certains logiciels privateurs. Donc on va continuer avec les actualités du milieu hacker. Alors, comme vous le savez, il y a le Hackito ErgoSum 2011 qui approche. Et donc vous avez jusqu'au 6 avril pour donc trouver une clé, fabriquer donc un fichier de clé, une keyfile, pour déverrouiller le binaire qui est mis à disposition donc sur la page d'accueil du Hackito ErgoSum. Voilà. On passe donc tout de suite à la censure, filtrage et donc neutralité des réseaux. La grosse actualité, c'est la publication du décret LCEN sur tout ce qui est log des services internet. Donc la LCEN, la loi de confiance en l'économie numérique, c'est une loi qui remonte au début des années 2000, je crois que c'était 2004, je suis pas sûr. Ouais, 21 juin 2004, ouais, tout à fait. Donc qui en fait déjà obligeait les fournisseurs de services en ligne, donc des hébergeurs de mails, hébergeurs de blogs, de conserver certaines informations pendant une certaine durée. Mais il y a le décret d'application qui n'avait pas été publié, donc la plupart des fournisseurs gardaient les informations un an, mais ça je ne sais plus si c'était dans la loi, et gardaient partiellement donc les informations. Là, on sait exactement quelles seront les informations qu'on sera obligé de garder. Il y aura donc l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication, donc adresse IP ou adresse IPv6, mais bon, comme c'est pas précisé, ça permet de s'appliquer à n'importe quel type de réseau, même ceux qui ne sont pas sur de l'IP. Un identifiant attribué par le système d'information au contenu, que ça soit l'URL, que ça soit un numéro de news AFP, que ça soit l'identifiant du contenu. On va devoir conserver aussi les types de protocoles qui ont été utilisés pour se connecter au système informatique pour mettre à jour le contenu. Donc si vous vous connectez en HTTP ou si vous êtes un dangereux pédo-nazi terroriste et que vous utilisez du HTTPS. Il va falloir conserver à chaque fois la nature de l'opération. Donc est-ce que vous avez mis en ligne un billet de blog, est-ce que vous avez fait une mise à jour, est-ce que vous avez supprimé du contenu, et garder bien sûr toutes les dates et heures des opérations. Il y a aussi deux informations qui sont assez sensibles. Les FAI vont être obligés de garder et donc de fournir le cas échéant l'identifiant et le mot de passe utilisé pour soumettre le contenu. Ça soulevait pas mal de questions là-dessus qu'on a retrouvé sur la liste Fernog et sur la liste sur d'autres listes de FAI. Mais c'est pas la seule information qu'il va falloir en fait garder si elles sont collectées par les fournisseurs de services. Il va falloir aussi garder donc les noms et prénoms ou raisons sociales de l'entreprise, de l'organisation, les adresses postales qui sont associées, les pseudonymes utilisés, les adresses de contact de courrier électronique ou les comptes associés, les numéros de téléphone. Donc c'est vraiment assez complet, on a quasiment toutes les informations d'une personne sur internet qu'on doit garder pendant un an dans ses logs. Donc ça a généré sur la liste FRNOG et sur d'autres listes pas mal d'inquiétudes sur le fait que conserver un mot de passe ça paraît assez un peu problématique, notamment car un bon FAI, un bon fournisseur de services ne conserve pas le mot de passe mais une empreinte, ce qu'on appelle un hash du mot de passe, ce qui évite lorsqu'un vol de base de données s'effectue, de pouvoir récupérer tous les mots de passe en clair de tout le monde. En fait, quand on va se connecter sur la plateforme, le mot de passe va être haché de la même façon pour essayer de retrouver le même hash qui est stocké dans la base de données. Heureusement, donc il y a eu pas mal de discussions sur le texte en lui-même, et si les données ne sont habituellement pas stockées par le fournisseur d'accès, il n'y a pas à conserver ces infos-là. Donc on ne doit pas changer nos habitudes, quoi. Si on a l'habitude de conserver juste les hashes, on reste comme ça. Ouais. Mais après, c'est parfois des interprétations qui sont faites par des personnes qui ne sont pas juristes. C'est un texte qui a été publié dans le courant de la semaine dernière. Donc du coup, c'est un peu frais. Et de toute façon, c'était quelque chose qui était déjà mis dans le texte de la LCEN. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est... Pourquoi publier un décret aujourd'hui d'un texte de 2004? Est-ce qu'il y a un rapport avec le G20 qui est censé pacifier l'Internet, rendre l'Internet civilisé? Est-ce que c'est un rapport avec la LOPCI qui a été publiée il n'y a pas longtemps? Voilà, il y a beaucoup de trucs qui arrivent pile au même moment, ça fait un peu bizarre. Alors, dans les autres news, dans la censure-filtrage d'Internet et neutralité des réseaux, il y avait, je ne sais pas pourquoi l'article a été classé dans cette catégorie, mais donc il y avait un petit article sur la trompette de Winsock de Peter Tatham. En fait, dans les années 90, avec les vieux modems, il y a une sonnerie de trompette qui accompagnait la connexion. Et en fait, c'était une musique qui était sous licence, et l'auteur en question n'a pas été payé, donc voilà. Donc il a fait un appel aux dons pour le travail qu'il a effectué. En échange d'un certain niveau de dons, donc il a envoyé un CD. Et finalement, il a décidé le 9 mars 2011 de faire une amnistie générale des personnes qui avaient indûment utilisé sa musique. Bon, juste, je pense que on aurait utilisé une musique libre, ça aurait peut-être pas posé ce souci-là. Peut-être. Je pense qu'on peut peut-être se passer une petite musique avant de passer à N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Tout à fait. À tout de suite.

Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur, mon pas peur, mon pas peur, mon confiance. Vous êtes sur Radio Campus en 6.6 FM. Alors, vous venez d'écouter Koopa, Sleepwalk. Donc, l'artiste c'est Koopa et le titre c'est Sleepwalk. Et juste avant, c'était de Trash 80, on a entendu Kitty Kitty. Voilà. N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Là, je pense qu'on peut commencer par la Libye. La Libye, alors. Pardon. La Libye est déconnectée du net depuis jeudi soir 16h à peu près. Voilà, donc blackout total, un petit peu comme ce qu'on avait vu en Égypte. Apparemment, c'est les mêmes procédés qui ont été utilisés, donc service DNS coupé. Ce qui a embêté pas mal de gens qui ont des raccourcis d'URL en point LY. Notamment le site Bit.ly qui utilisait l'extension LY. Il y a eu on craignait en fait dans la communauté de l'internet que ça soit réutilisé par un autre pays, cette coupure brutale du net. Et quand on regarde les graphes de Google Transparency Report, on se rend compte que là, le trafic est vraiment passé à zéro. On se rend compte que c'est la même méthode qui est utilisée. On a un peu peur pour la suite que d'autres pays appliquent les mêmes choses. Donc voilà ce qui est fait, quoi. Alors on n'arrête pas de parler de Wikileaks. Bradley Manning qui, selon certaines sources, aurait été la source principale des télégrammes diplomatiques et des vidéos de la guerre en Afghanistan. Il a été chargé récemment de 22 crimes ou délits supplémentaires. Et il fait maintenant face à une éventuelle peine de mort pour collusion avec l'ennemi. Alors sur Wikileaks, on en est malheureusement pas à seul truc problématique. On parlera tout à l'heure de France 2 qui fait un documentaire un peu caricatural et qui est bien décortiqué dans Read Write Web. On parlera de quelques extraits de l'article qui valent leur pesant de cacahuètes. Le porte-parole de Wikileaks ayant eu quelques ennuis avec la justice, il y a un deuxième porte-parole qui est Christine Arneson, si je le prononce bien, qui est islandais et a été récompensée dans son pays du titre de journaliste de l'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Wikileaks. De voir son travail reconnu et malheureusement ça reste un pays qui essaye de protéger les journalistes parmi beaucoup d'autres qui ont tendance à un peu mettre de côté leur constitution qui laisse tomber un peu les libertés fondamentales juste pour essayer de trouver un peu plus de sécurité sans en trouver vraiment. En parallèle de cette nomination, on peut parler d'une deuxième nomination de la France dans les pays qui sont préoccupants pour le pour l'association Reporters sans frontières. La France n'est pas encore classée ennemi du web comme l'est la Chine ou d'autres pays. Mais ça va venir. Mais on est quand même le seul pays européen à être classé dans les pays qui surveillent l'internet et qui surveillent qui sont un danger potentiel pour la liberté d'expression. Donc voilà. Avant de passer sur le donc sur le reportage de France 2, je pense qu'on peut surpasser une petite musique. On vous retrouve tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6. Vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. Thank you. 30 secondes en fait. Donc, vous venez d'écouter Mutiny of the Robots. C'est Psylodome qui fait ça. Et juste avant, c'était Monsieur Protman. Et le titre, c'est... Alors, c'est des chiffres. 107, Bink, 2010, 0329. Voilà. C'est peut-être de... On va tester en bas 64 pour voir si ça fait quelque chose. Donc là, on va continuer donc sur un documentaire qui a été publié sur France 2. Sur les Anonymous, sur Wikileaks, et, donc qui a été analysé par donc les journalistes, enfin blogueurs, journalistes, ça dépend le point de vue de Reed White Web. Donc là, en fait, le journaliste dès le deuxième paragraphe fait un commentaire qui résume un peu son point de vue. Le programme m'a donné l'impression d'une opération d'intox ratée, bien moins efficace que l'époque où Envoyé Spécial tentait de persuader les parents que leur chère tête blonde trouvait de l'ecstasy sur Facebook facilement. Un discours aujourd'hui repris par Kadhafi, qui tente, lui, de persuader son peuple qu'on sert des acides aux enfants au petit déjeuner. Donc voilà, bah, ça cadre bien le truc. Donc dans l'analyse de Reed White Web, il pointe amalgame sur amalgame. Assange, il comparait un parano. On retrouve la même comparaison dans l'Express de ce mois-ci, qui était diffusé dans les écoles catholiques de la métropole. Il y a toute une biographie de Assange sur les trucs qu'on a pu voir à droite et à gauche, mais sans aucune source à chaque fois. On passe ensuite aux Anonymous, qui sont des dangereux black hats, sous-entendu des méchants hackers.